21h. Minuit. Minuit, c'est sûr. 21h. Max, sur Fun Radio. Queue de macaque est avec nous. Queue de macaque qui est en contact avec Gérard de Suresnes. Tout à fait, c'est ça. Mais tu le connais bien? Bah pas mal quoi. Je veux pas trop dénoncer, balancer. Enfin, je veux pas trop que ça se sache, mais bon, on est relativement. Mais proche. Tes potes de fesses de babouin? Ouais, enfin c'est un peu toute la même bande là, toute la pine de poney, tout ça. Pine de poney. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et donc, en fait, là, j'avais eu des petits échos comme quoi Gégé était parti à l'étranger. Je sais pas si vous en aviez entendu parler. Ah bah nous, on a une confirmation parce que apparemment Gérard nous a envoyé des remixes de par lui-même et c'est fait par lui. Ouais. Et on a eu un cachet de la poste, ça venait de San Francisco. Ah, parce que moi, en fait, apparemment, il m'a écrit une petite carte et là, il a dû bouger parce que là, il est a priori il est à New York. Hein. Ah bah si tu veux nous faire le plaisir de lire cette lettre, comme ça nous permettra d'avoir des nouvelles de Gérard. Voilà, donc je te retranscris. Bon, je vais essayer de déchiffrer parce que l'écriture de Gégé, tu sais ce que c'est. C'est pas simple, ouais. Pas évident. Alors, ça commence par mon pote. Je t'écris New York, on est parti s'exiler avec Christine pour redécouvrir l'amour. Donc, tu vois, a priori, ça colle. Hein. Ouais, bon, de toute façon, ça battait de l'aile avec Sandy. Hein. Elle l'avait trompé et tout. Ouais. Il y a eu embrouille. Hein. Ouais. Je suis devenu pote avec tous les clochards du Bronx et Christine s'est fait des amis aux autres Brooklyn. Je n'oublie pas pour autant le boulot. J'ai rendez-vous demain avec le producteur de Howard Stern. Il paraît qu'il kiffe mon style. Il est à fond dedans. On doit aussi aller à une dégustation de yaourt new-yorkais. Tu sais ce que c'est, des formations professionnelles. Hein. J'ai aussi repéré une boutique de prothèses où j'irai jeter un petit coup d'œil. D'accord. En attendant, on visite la ville. On a vu l'Empire State Building et la maison où est né Bill Clinton. New York est vraiment une ville étonnante. Par contre, il n'y a pas de foyer Sonacotra. On a donc bien galéré pour trouver où on pouvait loger. Mais on a fini par y arriver. Tu peux donc m'écrire à l'adresse suivante. Donc c'est la petite adresse apparemment. Ouais, bah ouais, tu peux la donner, comme ça on va écrire. Alors, à Gérard. Donc Gérard Kudzin, c'est avec l'accent quand même. Ouais. Gérard Kudzin, hôpital John Kennedy, 4e sous-sol, département des autopsies, et code postal c'est 1664 New York. Ah. Donc a priori, c'est l'adresse à laquelle on peut le joindre, mais a priori il bouge assez rapidement. D'après ce que tu disais, il était à San Francisco, maintenant il est à New York. Ouais. Donc voilà, puis ensuite bah, il m'invite, quoi. Il me dit tu devrais venir nous rejoindre si c'est possible. Bon là je peux pas donner le prénom parce que je voudrais pas créer d'embrouille. C'est pas des conneries, c'est vraiment pour toi c'est Gérard de Suresnes, l'écriture il y a pas de doute possible. Ah bah, l'écriture c'est lui. Hein. Et puis attends c'est une carte postale avec un camion. Comme quoi on m'avait bien dit la dernière fois. Ouais, ça ne fait que confirmer que ça peut être lui. Une carte postale avec un camion. Puis regarde après il dit bon je dis pas le prénom, je dis juste l'initiale. Hein, H viendra nous rejoindre dès qu'il aura trouvé quelqu'un pour garder les chiens. D'accord, ok. Et tu vois voilà, je te donne des nouvelles bientôt. Bisous baveux sur le kyste, GG et Christine. Donc tu vois. C'est marrant parce que. Enfin, ça ne fait que confirmer ce que je pensais, parce que quand j'avais dit que je pensais qu'il était parti sur New York et qu'il avait démenti en venant dans les locaux, en même temps, je sentais très tendu, puis on sentait qu'il y avait de la tension entre lui et Sandy, que c'était sur le point de se terminer. Et là, ça ne fait que confirmer ce qu'il était en train de se dire, c'est que voilà, il nous a lâché comme une vieille chaussette pour aller refaire sa vie à New York. Bah, apparemment, c'était peut-être, a priori, il est parti avec Christine, c'est surtout ça qui est étonnant, c'est qu'a priori, il y aura peut-être quelque chose qui sera en train de se remettre en route, là. Entre Gégé et Christine, hein. Eh ben dis donc. Donc alors, bon, je sais pas si j'ai des news. De toute façon, moi, je fais suivre, hein, tant que ça reste dans la mesure du possible. Oui, parce qu'il va encore t'envoyer du courrier. Il me dit, je te donne des nouvelles bientôt. D'accord. Donc j'ose espérer qu'il va me réécrire incessamment sous peu, quoi. Donc là, du coup, il nous entend plus là. Bah, à moins qu'il écoute sur Internet, hein, il a peut-être pris son ordinateur portable. Hein, il nous écoute peut-être sur le. J'espère net, que c'est pas des conneries, hein, que ça soit qu'on n'essaie pas encore de nous faire croire une connerie, qu'en fin de compte, Gérard, c'est toujours sur Nanterre. Hein. Honnêtement, je crois pas. Hein. Moi, je suis à peu près sûr de mes sources. Hein. Je reconnais l'écriture. Il y a un certain parfum aussi qui imprègne la carte, qui est quand même assez révélateur. Ouais, ça sent la transpi. Ah, tout petit peu, une espèce d'odeur de villageoise et de transpi là. Bon, c'est estampillé New York. Hein, ça colle. Hein. Franchement, ça colle. Hein.